Saint Augustin, œuvre dogmatique de la Trinité. Livre 11e, La Trinité dans l'homme. Markendanarchive.org, d'après abbaye Saint-Benoît.ch, licence Creative Commons. Pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. On retrouve une image de la Trinité même dans l'homme extérieur, d'abord dans ce qui se voit au dehors, à savoir, dans le corps qui est vu, dans l'image qu'il imprime dans l'œil, et dans la volonté qui les relie l'un à l'autre. Toutefois, ces trois choses ne sont point égales entre elles, ni d'une même substance. De plus, dans l'âme elle-même, d'après les sensations qui lui viennent du dehors, on trouve une autre trinité qui s'est comme introduite chez elle, ou, si l'on veut, trois choses d'une même substance. L'imagination du corps qui est dans la mémoire, puis l'information quand la pensée tourne là son attention, et enfin la volonté qui les unit, trinité que nous rattachons à l'homme extérieur, parce qu'elle provient des corps extérieurs et sensibles. Chapitre 1er. Il y a même dans l'homme extérieur un vestige de la Trinité. Personne ne doute que l'homme extérieur soit doué de la sensibilité du corps, comme l'homme intérieur l'est de l'intelligence. Cherchons donc, autant que nous le pouvons, à trouver un vestige quelconque de la Trinité dans l'homme extérieur, bien que ce ne soit pas en cela qu'il est l'image de la Trinité. L'apôtre s'est clairement exprimé là-dessus, quand il déclare que l'homme intérieur doit se renouveler dans la connaissance de Dieu, Colossiens 3, 10, selon l'image de celui qu'il a créé, quand il dit ailleurs. Bien qu'en nous l'homme extérieur se détruise, cependant l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, 16. Cherchons donc dans cet homme qui se détruit quelque image de la Trinité, sinon plus exacte, du moins plus aisée à distinguer. Car ce n'est pas sans raison qu'on lui donne le nom d'homme, puisqu'il a quelque ressemblance avec l'homme intérieur. Et à raison même de notre condition d'homme mortel et charnel, il nous est plus facile de traiter des choses visibles que des choses invisibles, puisqu'elles nous sont plus familières, les unes étant extérieures, les autres intérieures, les unes étant sensibles pour le corps, les autres accessibles seulement à l'intelligence. Or, nous ne sommes pas des âmes sensibles, c'est-à-dire matérielles, mais douées d'intelligence parce que nous sommes vie. Néanmoins, comme je l'ai dit, nous contractons une telle familiarité avec les corps, que notre attention se reporte vers eux en dehors avec une étonnante facilité, et que, quand elle s'est arrachée aux incertitudes du monde matériel, pour retrouver dans l'esprit des notions plus certaines et plus fermes, elle se rejette vers les objets sensibles et cherche son repos là même où elle a puisé sa faiblesse. Il faut avoir égard à cette infirmité. Par conséquent, si nous voulons discerner plus exactement et faire mieux ressortir les choses intérieures et spirituelles, empruntons nos exemples et nos comparaisons aux choses extérieures et matérielles. L'homme extérieur est doué du sens corporel sans donc les corps. Or ce sens se subdivise, comme chacun le sait, en cinq parties, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Il serait long d'interroger ces cinq sens sur la question qui nous occupe, mais cela n'est pas nécessaire, car l'un parlera pour tous. Invoquons donc de préférence le témoignage de nos yeux. C'est en effet le sens corporel le plus parfait et le plus rapproché, sauf la différence du genre, de la vue intellectuelle. Chapitre 2. Il y a dans la vision une sorte de trinité. Éclaircissement par un exemple. Quand nous voyons un corps, il y a trois choses très faciles à reconnaître et à distinguer. La première, C'est l'objet même que nous voyons, soit pierre, ou flamme, ou toute autre chose visible aux yeux, objet qui pouvait exister avant même d'être vu. La seconde, c'est la vision, qui n'existait pas avant que l'objet frappât notre sens. En troisième lieu, ce qui arrête le sens des yeux sur l'objet en vue tant qu'il est en vue, c'est-à-dire l'attention de l'âme. Et non seulement ces trois choses sont distinctes, mais elles sont de nature différente. D'abord, la nature de ce corps visible est très différente de celle du sens de l'œil, par lequel la vision a lieu par rencontre. Et la vision elle-même, qu'est-ce autre chose que la sensation déterminée par le corps qui est senti? Bien qu'elle n'existe pas, si on soustrait l'objet, et qu'il ne puisse y avoir vision sans un corps visible, cependant le corps qui détermine par son aspect la sensation des yeux, et la forme même qu'il imprime au sens et qu'on appelle vision, ne sont nullement de la même substance. En effet, le corps vu est, de sa nature, divisible, tandis que le sens qui existait déjà dans l'être animé avant de voir ce qu'il pouvait voir dès qu'un corps visible s'offrirait à lui, ou si l'on veut, la vision qui se forme dans le sens d'après le corps visible, quand il est présent et qu'on le voit, que ce sens ou cette vision, dis-je, c'est-à-dire la sensation provenant du dehors, appartient à la nature de l'être animé, fort différente du corps qui occasionne en nous la sensation par son aspect, sensation qui ne produit pas le sens, mais la vision. Car si le sens n'existait pas en nous, même avant la présence d'un objet sensible, nous ressemblerions aux aveugles, puisque nous ne voyons rien dans les ténèbres ni les yeux fermés. Mais la différence qu'il y a entre les aveugles et nous, c'est que, même quand nous ne voyons pas, nous avons la faculté de voir, ce qu'on nomme sens. Faculté qu'ils n'ont pas, et c'est pourquoi on les appelle aveugles. Ensuite, cette attention de l'âme qui arrête le sens sur l'objet que nous voyons et les unit tous les deux, ne diffère pas seulement de cet objet visible, puisqu'elle est esprit et qu'il est corps, mais elle diffère même du sens et de la vision, parce qu'elle appartient à l'âme seule, tandis que le sens de la vue n'est appelé sens du corps que parce que les yeux sont des organes du corps. Et bien qu'un cadavre ne sente pas, cependant l'âme unie au corps sent par l'instrument du corps, et c'est cet instrument qui s'appelle sens. Ce sens peut être intercepté et détruit par la lésion du corps, ce qui arrive quand on est aveuglé. L'âme reste la même mais, par la perte des yeux, son attention n'a plus à sa disposition le sens corporel pour atteindre au dehors l'objet visible, et y fixer sa vue. Et, néanmoins, par ses efforts, elle fait assez voir que, malgré la privation du sens corporel, elle n'a pu périr ni diminuer. En effet, le désir de voir subsiste tout entier, soit qu'il puisse, soit qu'il ne puisse pas être satisfait. Ainsi donc ces trois choses, le corps visible, la vision même, et l'intention qui les unit l'un à l'autre, sont très faciles à distinguer, non seulement par leur caractère particulier, mais par la différence de leur nature. Quoique le sens ne procède pas du corps visible, mais du corps de l'être animé qui sent, et, auquel l'âme accommode son action d'une manière merveilleuse, cependant c'est du corps visible que la vision est engendrée, c'est-à-dire que le sens est formé, non seulement le sens qui subsiste tout entier même dans les ténèbres, tant qu'on a des yeux, mais encore le sens informé qui s'appelle vision. La vision est donc engendrée par l'objet visible, mais non par lui seul, car il faut un être pour voir. La vision est donc engendrée par l'objet visible et par l'être voyant, De telle sorte cependant que le sens des yeux, l'attention qui considère et se fixe, appartiennent au voyant, que, l'information, du sens, qu'on appelle vision, soit imprimée uniquement par l'objet qui est vu, c'est-à-dire par quelque chose de visible, et que cette vision supprimée, la forme imprimée au sens par la présence de l'objet disparaisse, tandis que le sens qui existait avant de rien voir, subsiste, de même que la trace d'un corps dans l'eau subsistant que le corps est présent, et disparaît avec lui, quoique l'eau qui existait avant de recevoir l'image de ce corps, ne disparaisse pas pour autant. Nous ne pouvons donc pas dire que l'objet visible engendre le sens. Cependant, il engendre sa propre forme ou ressemblance, qui a lieu dans le sens, quand nous voyons et sentons quelque chose. Mais la forme du corps que nous voyons, est la forme qui résulte de celle-là dans le sens de celui qui voit, nous ne les discernons pas par le même sens, leur union est si étroite qu'il n'y a pas moyen de les distinguer. Mais la raison nous dit que nous n'aurions pas pu sentir s'il ne s'était formé dans notre sens quelque image du corps aperçu. En effet, quand on imprime un cachet sur la cire, l'empreinte n'en existe pas moins, quoiqu'on ne la distingue que quand la séparation a eu lieu. Mais comme après la séparation, l'empreinte reste sur la cire de manière à être visible, on n'a pas de peine à croire que la forme était déjà imprimée avant que le cachet fût séparé de la cire. Mais si l'on a posé ce cachet sur un corps liquide, son empreinte disparaîtrait dès qu'il serait ôté, néanmoins la raison saurait comprendre qu'avant la séparation, le liquide portait l'empreinte de l'anneau, distincte de la forme de l'anneau même, d'où il est résulté que l'une disparaissant avec la pression de l'anneau, celle de l'anneau lui-même, principe de l'autre, est restée. Ainsi, de ce que l'œil n'a plus l'impression du corps, dès que ce corps cesse d'être vu, il n'en faut pas conclure qu'il ne l'avait pas quand le corps était présent. Voilà pourquoi il est très difficile de persuader aux esprits peu intelligents que l'image d'une chose visible se forme dans notre sens, tant que nous la voyons, et que cette forme même est la vision. Mais ce travail de l'esprit sera moins pénible, si l'on fait attention à ce que je vais dire. Ordinairement, quand nous avons tenu quelque temps nos yeux fixés sur un flambeau et que nous les fermons ensuite, nous semblons voir des couleurs brillantes qui varient et alternent les unes avec les autres. Elles diminuent insensiblement jusqu'à ce qu'elles s'éteignent tout à fait. Eh bien, il faut reconnaître là les vertus de la forme qui s'était imprimée dans le sens au moment où les yeux voyaient le corps brillant. Reste qui varie en cessant peu à peu et pour ainsi dire graduellement. En effet, si par hasard nous avions regardé par des fenêtres, leurs barreaux nous apparaissaient à travers ces couleurs, preuve que l'impression de notre sens était produite par l'aspect de l'objet. Cette impression existait donc déjà quand nous voyons, elle était même plus claire et plus nette. Mais elle était tellement unie à la forme de la chose que nous voyons, qu'il n'était pas possible de l'en discerner, c'était la vision. Bien plus, quand la flamme d'une lanterne est comme doublée par la scintillation des rayons de l'œil, il se forme deux visions, bien qu'il n'y ait qu'un seul objet vu. C'est que les mêmes rayons partant isolément de chaque œil sont affectés individuellement, parce qu'ils ne peuvent plus se réunir pour aller de pair se fixer sur le même corps, de manière à ne former qu'un seul coup d'œil. Aussi en fermant un œil nous ne verrons plus deux flammes, mais une seule, comme il n'y en a réellement qu'une. Mais pourquoi, l'œil gauche étant fermé, l'œil droit cesse-t-il de voir ce qu'il voyait, et, l'œil droit étant clos, l'image qui apparaissait à l'œil gauche, s'efface-t-elle? C'est une question qui serait longue à traiter et qu'il n'est pas nécessaire de discuter pour le moment. Qu'il nous suffise de dire pour le sujet qui nous occupe, que s'il ne s'était pas formé dans notre sens une image parfaitement semblable à l'objet aperçu, nos yeux ne verraient pas une double apparence de flamme, pour avoir adopté une manière de regarder qui empêche le concours des deux rayons. En effet, de quelque manière qu'un œil puisse être dirigé, impressionné, tourné obliquement, il ne lui est pas possible de voir double un objet unique, si l'autre est fermé. Cela posé, souvenons-nous de quelle manière une sorte d'unité résulte de ces trois choses de nature différente, je veux dire, l'espèce du corps soumis au regard, l'impression qu'il produit dans le sens, et qui est la vision ou l'information du sens, puis la volonté de l'âme qui applique le sens à l'objet sensible et y fixe la vision elle-même. La première des trois, c'est-à-dire la chose visible, n'appartient pas à la nature animée, à moins que nous ne voyions notre corps. La seconde y appartient en ce sens qu'elle se passe dans le corps, et par l'entremise du corps, dans l'âme. Elle a lieu en effet dans le sens, lequel ne peut exister sans le corps et sans l'âme. La troisième appartient à l'âme seule, puisque c'est sa volonté. Malgré la différence de substance, ces trois choses forment une telle unité, que les deux premières peuvent à peine être discernées par le jugement de la raison. J'entends parler de l'apparence du corps soumis au regard, et de l'image qui s'en fait dans le sens, c'est-à-dire de la vision. Et la volonté a une telle puissance pour les unir qu'elle applique le sens qui doit être informé à l'objet qui est vu, et l'y maintient quand il est formé. Et si elle est tellement violente qu'on puisse l'appeler amour, cupidité, passion, elle affecte vivement tout le reste du corps de l'être animé, et s'assimile une espèce ou une couleur étrangère, à moins qu'elle ne rencontre quelque résistance dans une matière trop inerte ou trop dure. Ainsi on peut voir le corps du caméléon revêtir avec la plus grande facilité les couleurs qu'il a sous les yeux. Chez les autres animaux, où le corps ne se prête pas aussi aisément à ces sortes de changements, souvent les fruits trahissent les caprices des mères, les objets qui les ont le plus charmés. Car plus les embryons sont tendres et susceptibles d'impression pour ainsi dire, plus ils sont souples et dociles à subir la volonté de l'âme de la mère et l'impression qu'a laissé dans son imagination l'aspect du corps qu'elle a contemplé avec passion. On en pourrait citer de nombreux exemples, mais il suffit de rappeler, d'après le témoignage de nos infaillibles écritures, ce que fit Jacob pour obtenir des agneaux et des chevreaux de diverses couleurs, en plaçant dans un abreuvoir des baguettes bigarrées, pour frapper les yeux des mères qui s'y désaltéraient au moment de la conception. Genèse 30, 37 à 41. Chapitre 3. Il se forme dans la pensée une trinité de la mémoire, de la vision intérieure et de la volonté qui les unit. Mais l'âme raisonnable se dégrade en vivant selon la trinité de l'homme extérieur, c'est-à-dire quand elle applique aux choses du dehors qui forment le sens corporel, non une volonté droite qui les ramène à un but utile, mais une passion honteuse qui l'attache à un objet. Car même en l'absence de l'objet sensible, il en reste dans la mémoire une ressemblance où la volonté fixe de nouveau son regard pour en prendre la forme intérieurement, comme le sens extérieur la prenait en présence de l'objet lui-même. C'est ainsi que la Trinité se forme de la mémoire, de la vision intérieure, et de la volonté qui les unit. Et c'est de la réunion de ces trois choses en une, que la pensée a pris son nom, cogitatio ad coactu. Mais dès lors, elles ne sont plus de substances différentes. En effet, là il n'y a plus de corps sensible différent de la nature animée, ni sens du corps informé pour produire la vision, ni volonté agissant pour appliquer le sens à informer sur l'objet sensible et l'y fixer ensuite. Mais à la place de cette espèce de corps qui était senti extérieurement, succède la mémoire qui conserve l'image dont l'âme s'est pénétrée par l'entremise du sens corporel. Et au lieu de cette vision qui avait lieu au dehors quand le sens était informé par le corps extérieur, il reste dedans une vision semblable, alors que la vue de l'âme se forme sur le souvenir de la mémoire et qu'elle pense à des corps absents. Et de même que la volonté appliquait au dehors le sens à informer sur le corps présent et les unissait, ainsi elle tourne le regard de l'âme vers la mémoire pour qu'il se forme d'après ce que celle-ci a retenu, et qu'ainsi une vision semblable se reproduise dans la pensée. Or, comme la raison distinguait entre le corps visible qui formait le sens corporel, et la ressemblance de ce corps qui avait lieu dans le sens informé et d'où résultait la vision, deux choses tellement unies qu'on eût pu, sans cela, les confondre. De même, quand l'âme pense à l'espèce de corps qu'elle a vu, son imagination formée de la ressemblance du corps conservé par la mémoire et de celle qui en est dans le regard de l'âme qui se souvient, paraît cependant tellement une, tellement simple, que ces deux éléments ne peuvent être distingués que par un jugement de la raison, laquelle nous fait comprendre qu'autre chose est, ce que la mémoire retient, même quand la pensée en vient d'ailleurs, et autre chose ce qui se passe quand nous nous rappelons, c'est-à-dire quand nous revenons à notre mémoire et y retrouvons la même apparence. Si celle-ci n'y était plus, nous dirions que nous avons oublié de manière à ne pouvoir plus nous souvenir. D'autre part, si le regard de celui qui se souvient n'était pas formé de ce qui existe dans la mémoire, il n'y aurait plus vision dans la pensée, mais l'union des deux, c'est-à-dire de ce que la mémoire retient, et de ce qui en résulte pour former le regard de la pensée, et leur parfaite ressemblance, on croit n'y voir qu'une seule et même chose. Puis, quand le regard de la pensée s'est détourné et a cessé de voir ce qu'il voyait dans la mémoire, il ne reste plus rien de la forme qui s'était imprimée en lui, et il en prendra une autre, en se tournant ailleurs, pour former une autre pensée. Cependant la mémoire conserve ce qu'il y a laissé, afin qu'il puisse s'y tourner encore quand le souvenir nous en reviendra, s'y former de nouveau et ne faire plus qu'un avec l'objet même dont il est formé. Chapitre 4. Comment se fait cette unité? Mais si la volonté, qui porte et reporte de tous côtés le regard à informer et l'unit à son objet quand il est formé, si la volonté, dis-je, se concentre tout entière dans l'image intérieure, détourne entièrement le regard de l'esprit des corps qui environnent les sens et des sens eux-mêmes, et s'attache uniquement à l'image aperçue au-dedans la ressemblance du corps, tirée de la mémoire est telle, qu'il n'est pas même possible à la raison de distinguer si c'est le corps lui-même qu'on voit ou sa figure imaginaire. En effet, il arrive parfois que des hommes, séduits ou effrayés pour avoir trop pensé à des choses visibles, prononcent subitement des paroles telles qu'ils en prononceraient s'ils faisaient telle action ou éprouvaient telle impression. Je me souviens même d'avoir ouï dire à un homme qu'il se représentait si vivement, si réellement par la pensée un corps de femme, qu'il croyait s'unir à elle charnellement et en éprouvait les conséquences, tant l'âme a d'empire sur son corps. Tant la manière dont un vêtement va à celui qui le porte, offre de facilité pour le retourner ou en changer la qualité. Les jeux de l'imagination pendant le sommeil appartiennent encore à ce genre d'affection. Toutefois, il importe de savoir si, quand l'attention de l'âme est forcément entraînée vers les images qui lui viennent ou de la mémoire, ou de quelque puissance occulte par certaines ingérences spirituelles d'une substance également spirituelle. De savoir, dis-je, si cela arrive lorsque les sens corporels sont assoupis, comme dans le sommeil par exemple, ou lorsqu'ils sont dans un état de perturbation organique, comme dans la folie, ou arrachés en quelque sorte à eux-mêmes, comme les devins et les prophètes, ou bien, si, comme cela arrive parfois à l'homme bien portant et éveillé, la volonté, s'emparant d'une pensée, s'arrache à l'empire des sens, et forme elle-même le regard de l'âme par différentes images de choses sensibles, comme si ces choses étaient réellement soumises aux sens. Or, ces impressions d'images n'ont pas lieu seulement quand la volonté est portée là par le désir, mais encore quand l'âme est entraînée à considérer ces objets pour les éviter et se tenir en garde. D'où il suit que ce n'est pas seulement le désir, mais aussi la crainte, qui porte le sens vers les choses sensibles, ou le regard de l'âme vers les images des choses sensibles. Par conséquent, plus la crainte ou le désir sont violents, plus le regard est vif, soit dans l'œil qui voit un corps présent, soit dans l'âme qui pense d'après l'image fixée dans la mémoire. Ainsi, ce qu'est la présence d'un corps au sens corporel, la ressemblance du corps gravé dans la mémoire l'est au regard de l'âme, ce qu'est la vision de l'œil à l'espèce de corps dont elle est formée, la vision de la pensée l'est à l'image du corps, fixée dans la mémoire, de laquelle se forme le regard de l'âme, ce qu'est l'attention de la volonté pour unir la vue du corps et la vision intérieure, former une certaine unité de trois choses, malgré la différence des natures, cette même attention de la volonté l'est pour unir l'image du corps qui est dans la mémoire, et la vision de la pensée, c'est-à-dire la forme que le regard de l'âme a prise en revenant à la mémoire. De sorte qu'ici encore il y a une certaine unité faite de trois choses, qui ne sont plus de nature diverse, mais d'une seule et même substance, parce que tout cela est intérieur, et que tout cela est une seule âme.